That was in the days. Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on parle tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le 107.fm pour une nouvelle émission des Jeunes. Voilà, tout le monde va bien ? Oui. Oui, alors nous avons bien sûr un invité aujourd'hui, comme on l'avait dit la semaine dernière. Hein ? Il se présentera tout à l'heure, mais pour l'instant, on va donner le titre de la chanson mystère la semaine dernière. C'était qui ? Flop. Okay. Qui c'est qui avait choisi la chanson mystère ? Le papa de Gabriel ? Le papa de Gabriel. Et c'était qui ? À ce moment, c'est un... Sacha Distel. Oui ! Alors aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie par... Par Alba. Merci Nicolas. Voilà, donc on écoute la chanson mystère. Ah ! Elle marche pas, faut que je la cherche ailleurs. D'accord. Ok. Eh bien. Parler en attendant. Oui, voilà. Moi, qu'est-ce que tu veux direct. Oui, donc on a préparé des questions, bien sûr, pour Albin. Mais avant tout, on va peut-être demander à Albin qu'il se présente un petit peu, qui il est, ce qu'il fait. Vas-y, Albin, laisse la parole. D'accord, merci. Déjà, bonjour à tous. Hein. Merci de m'avoir invité à l'émission. Donc voilà, je m'appelle Albin Bogo, j'ai 36 ans, et je travaille à l'IME de Saint-Amé, et je suis éducateur technique spécialisé, voilà, sur la CIF Pro. C'est quoi un éducateur technique spécialisé ? Je me fais porte-parole, hein. Pour vous, qu'est-ce qu'il fait, Albin ? Rien. Ah, il fait rien. Rien du tout. Bricolage ! Il fait quoi ? Bricolage. Bricolage, oui. Et puis quoi ? Au printemps ? La serre, on fait. Oui. La serre, le potager. Entre autres, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, Albin. Ça se résume à ça ? À la serre et puis bricolage ? C'est à toi que je pose la question, Albin. Je fais d'autres choses aussi, tout ce qui est espace vert, hein, utiliser la tondeuse, la débroussailleuse, le taille-haie. Et bien ça bosse, ouais. Oui. Faire des plantations de fleurs, des plantations d'arbustes. Voilà, aménager un petit peu les abords de l'IME, entre autres. Et puis voilà, j'ai un atelier aussi qu'on appelle techno. Où Nicolas et Christopher participent. Hein, on fait des petites constructions en bois. Et le but, voilà, c'est qu'ils puissent apprendre à utiliser des machines sans se blesser. Pas moi, non. D'être concentré sur un poste de travail, de respecter les consignes, les tâches qui leur sont demandées. Voilà. Voilà, merci Albin. Alors, on va demander à Marion si elle a retrouvé la chanson d'Albin. Allez, on écoute. Gonna treat you right. You better do something, baby, whether wrong or right. Oh, baby, Ah bah je pense que tout le monde est réveillé là, après non. Ça. Non, pas toi, Cindy. Non. Enlève les mains. Non. Là. Donc on va peut-être commencer tout de suite avec les questions d'Albin, parce qu'il y en a beaucoup. Alors s'il vous plaît, j'aimerais que ce soit chacun son tour, sans couper la parole du voisin. Christophe. Oui, vous la lire. Train. Oui. Ah, c'est l'air fou, ça, c'est rien. Non. Quel âge as-tu? Oh, ça peut l'arriver. Donc ça, c'est bon, j'ai dit 36 ans. As-tu des enfants? Ah oui, j'ai deux enfants. Ah. Voilà. J'ai un petit garçon, enfin, le plus grand, qui s'appelle Nino, merci, qui a 5 ans, et une petite fille qui s'appelle Fantine, et qui va avoir 2 ans au mois de décembre, le 28 décembre. Voilà. C'est bon? Oui. Un autre? Allez, Nicolas. Avoir un crayon, encore une fois. Fais-tu du catch? Est-ce que je fais du catch? Oui. Non, je ne fais pas de catch. Non, non. Tu voyais Albin faire du catch? Oui. C'est vrai que j'ai un peu la carrure pour faire du catch, mais bon. T'as fait non. Non, non, je ne fais pas de catch. Camille. Depuis combien de temps tu fais éducateur? Alors, j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé en 2007. Voilà. Donc ça fait combien de temps, Camille? Oh, je sais pas. Depuis 2007. 2008, 2009, 4 ans. 2010, un petit peu plus. 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Je sais, 12 ans. Bien, Camille, très bien. Allez. Elle a fait ça de tête. Ben oui, apparemment, oui. Tiens, Zinedine. Alors, tu prends le micro devant toi, Zinedine. Moi. Et Régine va t'aider. Ouais. Ah, déjà, Ah oui, fais-tu du jardin? D'argent? Est-ce que je fais du jardin? Oui. Ah oui, je fais du jardin chez moi. Alors, j'en fais un petit peu moins qu'à l'IME parce que j'ai moins le temps. Mais oui, j'en fais chez moi. Oui. Nicolas, à toi. Prends-tu l'avion? Donc je ne prends pas l'avion. J'ai déjà pris l'avion à 3 reprises quand j'étais petit. Et puis j'aime pas prendre l'avion. Donc du coup je ne prends pas l'avion. Oh, mais c'est super l'avion, hein. Cacahuète. Albin. Oui, bah pour certains, oui. Oui. C'est bien, ça permet de voir des pays qu'on ne connaît pas. Mais moi, voilà. C'est une belle expérience, l'avion, ça. Il y en a qui vont bientôt le prendre. Bah oui, je sais. Alors, Christopher, vas-y. Est-ce que j'ai déjà eu un PV? Oui. D'accord. En conduisant? Oui, j'en ai déjà eu. Voilà. Et pourquoi? Alors, à l'époque où j'étais étudiant à Nancy, c'était beaucoup parce que je ne payais pas mes places de parking. Ah, oui. Voilà, où je me garais dans des endroits où je n'avais pas le droit. Et puis de temps en temps, voilà, c'est pour des petits excès de vitesse. Comme tout le monde, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on est vite en excès. Camille. Aimes-tu ton travail? Oui, j'aime bien mon travail. Zinedine. C'est quoi? Prends le micro devant toi, Zinedine. J'ai du judo. Si je fais du judo? Oui. Non, je fais pas de judo. Alors, j'en ai fait quand j'étais tout petit, mais j'en ai pas fait longtemps. Tu en fais, toi, Zinedine? Non. Tu aimerais en faire? Et pour les filles? C'est pour les filles? Non. C'est quoi, alors, que tu dis, là? Non, si, moi. Est-ce que tu aimerais faire du judo? Non, pas si. Non? Non. Ah, non. T'es trop vieux? C'est comme des barres. Nicolas, vas-y. Fais-tu du bricolage chez toi? Ah oui, je fais du bricolage, oui. Du breton. Alors, quoi comme bricolage? Tu veux savoir quoi comme bricolage? Je sais pas. Je sais pas. Non. Si, demande quoi ? Quel bricolage ? Quel bricolage ? Eh ben, tu vois, là, je fais des travaux dans ma maison. Tu vois ? Donc, un petit peu comme on a fait à l'IME. On avait fait quoi à l'IME ? Contreplaqué. Ouais, du placo, c'était. Du placo ? Ouais. C'est du ? Donc, je fais pas ce qu'on avait fait. Puis après, on avait fait quoi sur le placo ? Peinture. Hein ? Dis ? Peinture. Ouais. Donc, voilà, de la peinture, je mets du placo. Je fais du carrelage, voilà, je fais des choses. Bah, comme on a fait pour refaire l'atelier. Pas moi, pas Minecraft. Christophe, vas-y. Est-ce que je soutiens la grève ? Oui. Alors, laquelle ? La grève des syndicats. La grève des syndicats, oui, mais ils font grève pour quoi, les syndicats ? La retraite. Pour la retraite. Ah oui, je soutiens la grève. Mmh. Et toi, Christophe ? Non, il descend. C'est encore trop jeune, encore, hein, on verra ça. Gabriel, tais-toi. Mais t'as un avis là-dessus ? Gabriel. Non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, des grèves, là ? C'est pas... Je sais pas. Tu sais pas. Tu la soutiens, toi, la grève ? Ouais, je suis trop jeune. Moi, Après, c'est quelques années, hein. Ah oui. Ouais. Moi, il descend. Vas-y, Camille. Fais-tu des repas en famille ? Est-ce que je fais des repas ? En famille. En famille, oui, je fais des repas en famille, oui. Bien. Nicolas ? Bois-tu ? Oui, bois-tu. Est-ce que je bois ? Oui. De l'eau ? Du jus de fruits ? De l'alcool ? Oui. C'est ça que tu veux savoir, si je bois de l'alcool ? Oui, ça m'arrive de boire de l'alcool, oui. Un dessin. Ça fait rien. Laisse-le. Un peu comme tout le monde, Nicolas. Hein? Pourquoi ça t'intéresse de savoir si je bois de l'alcool ? Bah, tu m'as posé la question, oui. Donc. Oui, Christophe. Moi, es-tu concerné par les retraites ? Voilà. C'est déjà fait. Vas-tu en boîte de nuit ? Non, je ne veux pas en boîte de nuit. Non. Ah non. Pourquoi t'y vas, toi ? Non, c'est trop jeune, hein, ça rentrait même pas. Et quand tu seras plus vieux, t'iras ? C'est beau, ça dépendra. T'aimerais y aller ? Oui ! Oui, bah oui, c'est ça. Il y en a à la Bresse ? Non. Non ? Il n'y a pas de boîte de nuit à la Bresse ? Oh, elle est fermée, je crois. Je sais pas. On va voir quel âge pour aller en boîte de nuit, Christopher. 18 ans. 18 ans, oui. Ah oui. Alors tu dis vivement que j'ai 18 ans. Ouais. Tu les auras bientôt, toi. Non, là, j'aurai 15. Là, t'as 15 ans. Non, là, 14. 14. Air député, Christopher. Allez, Zinedine, à toi. Zinedine fait des petits carrés. Oui, ouais. Il n'y a pas de zoo ? Est-ce que je vais au zoo ? Oui. Non, je ne vais pas au zoo. Non. Alors, j'y ai déjà été, mais il y a très longtemps, mais c'est pas une sortie que je fais. Vous êtes déjà allé au zoo ? Non. Oui. Moi, à maman. Toi aussi ? Adjaïme. Oui. Quel zoo ? Tu te rappelles ? Non. Amnéville ? Oui. Ou Bâle ? Mulhouse ? Non, avec la maîtresse. Amnéville. Ouais, montagne des singes. Oh, la montagne des singes au zoo. Moi, je vois. Non, je crois que c'est pas là. Il y a un problème là. Des singes. C'est plus en fait. Des singes. Ouais, c'est pas le même endroit. Des singes. Des singes ? Oui. Oui. Je vois, moi, je vois. Les as vus ? Oui. C'est ça. Oui, vas-y. Vas-tu faire Noël et Nouvel An ? Oui. Oui. Et toi, tu vas le faire, toi ? Oui. Ouais. Danser. D'accord. Non, c'est 18 aussi, on va le danser aussi. Hein. Le ? 18. Alors, il y a quoi le 18 ? La fête. Fête animeuse. La fête de fin d'année ? Oui. Ouais. Tu vas danser? Ah oui. Moi c'est... Je se fais la piste, attention. Tu vas chauffer la piste. Bon, bah, ça va alors. Bon, compte sur toi. Et Nicolas, tu vas fêter Noël? Oui. Oui. Oui. Avec des cadeaux? Ouais. Oui, ah bon. Et toi, Gabriel? Oui. Oui. Tu l'as déjà fait la semaine dernière, toi, un petit peu? Non. Et ce cadron, là, t'as pas été voir un film au cinéma? Non, un sapin à la maison. Ah. Oui, tu oui. Tu as fait le sapin à la maison? Et ta maman, elle a dit que c'était aussi le Noël de l'escadron. Non, demain, on va voir mamie et moi. Non, tu te rappelles plus, Gabriel? Non, demain, on va voir mamie et moi. Tu vas voir ta mamie? Un cadeau. Ah, mamie. Elle apporte un cadeau, mamie? Ou c'est non, le Père Noël? C'est pas nanée. C'est Père Noël. Père Noël, voilà. Mmh. Ouais. Ok. Mais ce qui me semble aussi. Moi, déjà, c'est pas bien. Ensuite, à qui? C'est pas bien. Vas-y, Nicolas. Où travaillais-tu avant? Avant de venir à l'IME? Oui. Alors, j'ai commencé par quoi? Donc, j'ai commencé à travailler... dans un foyer, on appelle ça une MEX, c'est un foyer où il y a des enfants, voilà, à Épinal. Donc j'ai travaillé là, j'ai travaillé en prévention spécialisée aussi, donc pareil avec des enfants, sauf que là, c'est pas un foyer, c'est dans un quartier. Je suis resté là, après j'ai travaillé à l'aide sociale à l'enfance, j'ai été référent ASE, voilà, donc ça c'était en Franche-Comté. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi chez un paysagiste. J'étais jardinier dans un château aussi, voilà, pour ça que je fais des espaces verts, puis du jardin. Et puis après, je suis venu dans les Vosges et j'ai travaillé à l'IME de Saint-Dié déjà, à l'IME d'Épinal et puis maintenant à l'IME de Saint-Amé. Voilà. Il fait beaucoup de choses, Alban. Ouais. Si jeune. Ça hein, fait beaucoup, fait beaucoup hein. Bientôt la retraite, Alban. Bientôt. Non, pour toi, Corinne. Ah, ouais, oui, plus. Bah, t'es sympa, plus près. Oui, t'as raison. Allez, continuez. Christopher, vas-y. Quelle est ton équipe préférée de foot? Est-ce que j'ai une équipe préférée? Moi? Toi, t'as une équipe préférée, toi? Ouais. C'est qui, toi? Oui, j'aime bien... j'aime bien qui? En équipe française? Oui. J'aime bien... Attention à ce que je vais dire. Oui. J'aime bien Marseille. J'aime bien Saint-Étienne. Oui. J'aime bien Lens. Oui. Voilà. Oh. J'aime pas le PSG. Oh. Voilà. Oh là là là là. Je ne pouvais pas dire ça l'antenne. Après, j'aime bien la Juventus. Quoi? J'aime bien Arsenal. Quoi? Voilà. Je ne pouvais pas dire ça l'antenne. Oh, t'aimes qui, toi? Comme équipe de foot? L'équipe de France. Ah oui, voilà, j'aime l'équipe de France aussi, oui. Mais en club, t'aimes qui? Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Papi. Bon, bah. Et qui est Mbappé? Mbappé, hein, tu vis que pour lui, Mbappé. Hein, t'es une équipe préférée, toi, Nicolas? Non. Pourtant, tu joues au foot, toi? Oui. Puis tu suis pas le foot? Si. Alors, t'aimes bien qui? Pas de préférence. Mbappé, il fait partie de quel club? Il joue qui, Kylian Mbappé? Équipe de France et Paris Saint-Germain. Ouais, il est au PSG. Il gagne beaucoup de sous. Alors, Zinedine, c'est ton équipe préférée, alors l'équipe de France? Oui. Oui. Oui. Ok. Vas-y, Christopher, continue. Est-ce que je joue à la pétanque? De manière professionnelle? Oui. Ou comme ça pour. Comme ça? Non. J'aime bien la regarder des fois sur. À la télé. Quand je veux faire la sieste, je mets. La sieste? Je mets. La 21. L'équipe TV, ouais, la 21, ouais. Tu regardes aussi, toi? Non. Fais de la pub, là, je vous dis. Hein. Mais non, je joue pas à la pétanque. Non. En parlant de pétanque, tiens, j'ai entendu qu'ils allaient mettre en place des contrôles d'alcoolémie. Pour les joueurs de pétanque? Oui. Ça vient de sortir. Bon. Bourgou. Un temps qui égale pastis. Oui. Ah, voilà, oui, apparemment, oui. Du pastis, hein. Une sorte de dopage, hein, aussi, du coup. Camille, tu voulais, tu lèves le doigt. Fais-tu des sorties? Est-ce que? Des sorties. Ah, des sorties. Chez moi? Un petit peu, oui. Alors en semaine, c'est un petit peu compliqué parce que bah, tu vois, quand je rentre chez moi, bah, il est déjà un petit peu tard. Il y a mes enfants, tu vois, plus bah, les travaux, tout ça. Donc du coup, j'ai pas trop le temps de faire des sorties en semaine. Après, quoi comme sortie? Tu pensais à quoi, toi? Je sais pas. En me posant ça comme question. Partir loin ou style le cinéma, tout ça? Ah, t'as bien l'idée, Camille. C'est quoi pour toi sortir? Quand toi tu fais des sorties, tu vas où? Tu fais quoi? Marcher. Marcher. Ah oui. Ah, marcher, oui. Oui, bah oui. Ça, je vais aux champignons, tu vois, je vais dans la forêt, me promener. Oui, je fais des choses comme ça, oui. Vous allez aux champignons, vous? Non. Non. Non. Bon. Bon. Donc, tant pis. Vas-y, Nicolas. Es-tu déjà été sous? Bah, t'as déjà demandé ça, Nicolas. Non, je... J'ai demandé ça, non? Non, c'est non. Si je buvais. Ah. Ah oui, est-ce que j'ai déjà été sous? Ah, question. Ça t'intéresse de savoir si j'ai déjà été sous? Ah bon? Ça veut dire quoi, ça, être sous? Non, des mimiques, non, mais c'est des mots que je vois trop. Quand il est bourré. Des mots corrects, Christopher. Sous. Un colique. Aïe. Sous. Pas, sous, oui, sous, sous. Sous. Mais tu redis le même mot, là. Ça veut pas dire grand chose. C'est pas ça, comment on peut dire. C'est quoi, sous? Petit picole. Quoi, trubu? Bah, ça veut dire quoi? On voit plus quand on est sous. Ça veut dire quoi, ça, Nicolas? Des pubs voisous, On peut plus voir quand on est sous. Ah, c'est une idée. Et on dit n'importe quoi aussi. On dit n'importe quoi. Alors pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas. Bah, c'est toi qui poses la question. Bah oui, Nicolas. C'est que ça t'intéresse? Oui. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas. Et Christopher, c'est parce que on est ivre ou sous une fois qu'on est alcoolique. Alcoolique, ça veut pas dire la même chose, hein. Oui, désolé. Bah, oui. Donc les mots, c'est important aussi. Réfléchissez un petit peu avant de dire les choses. Et puis si ça me... Même si ça m'arrive, ou que ça peut m'arriver, vous me verrez jamais sous. Voilà, quand je viens travailler, je viens pas travailler en étant sous. Voilà. C'est bon? Oui. Ni en conduisant. Ni en conduisant, bah, oui. Voilà. Vas-y, Nicolas. Fais-tu du foot? Alors, j'ai fait du foot un petit peu quand j'étais plus jeune. Voilà. Si. Maintenant, j'en fais plus. J'aime bien en faire avec vous. Oui. Quand on en fait de temps en temps. On en fait un petit peu moins en ce moment, là. Parce que t'es rien sale. À l'IME, oui. En été, des fois, on en fait. Oui. Ouais, il fait chaud. Par terre. Hein. Mais sinon, non. Mis à part à l'IME avec vous. Et puis, Adrien qui est à l'IME. Je fais pas de foot, quoi. Gabriel, tu as une question? Non. T'as pas de question pour Alba? Non, j'ai plus de papier. Ah, mais c'est pas parce que tu n'as pas un papier que tu peux pas poser une question, Gabriel, hein? Non. Non. J'avais vu qu'il y avait... Camille? Oui, oui. Non. Mais si, t'avais une question. Non. Ah, si. Non. Non. Mais dommage. Tu te rappelles plus? Non. Bah, Alba va te le dire. Bah, j'ai vu, tu voulais me poser comme question, qu'as-tu commandé au Père Noël? Alors, Gabriel. Tu veux savoir ou pas? Oui. C'est vrai, ça t'intéresse? Oui. J'ai commandé des livres. Oh. Des BD, voilà. Oh. Ouais. Eh bien, il me donne ça, moi. Bah pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas d'âge pour les BD. Ah oui, c'est vrai, pas d'âge. Il y a des BD pour les petits, puis des BD pour les grands, pour les adultes. Pour les bah ouais. Pardon, Nicolas. Pour la personne âgée. Et là, toi, il est en train de parler, on ne coupe pas la parole. Merci. Voilà. Et puis ici, des arbres aussi, à planter chez moi. Voilà, des fruitiers. Pour que je puisse avoir des fruits dans mon jardin. Un beau berger en perspective. Voilà. Oui, Camille, vas-y. Quelle est ta couleur préférée? Le rouge. Non, la petite, trois petits rouges. Là. Ah ouais. On est dans les tons. Maman. Zinedine. Oh. Et quoi? Et quoi? Le petit carré. Parle dans le micro, Zinedine. Tiens. Oui, voilà, tu donnes le micro. Tu parles dans le micro, Zinedine. Ah là là. Ah là là. Attention avec le matériel. Ça fait du bruit quand tu touches, Zinedine. Vas-y. Pas le mot. Dis-le le mot. Le massage. Alors, ah oui, d'accord. Ça le fait beaucoup. Est-ce que je fais des massages? Ah bah dis donc. Quelle question? Alors Zinedine, tu peux préciser pourquoi tu as posé cette question? Ben oui, parce que là, on n'a pas trop compris. Hein. On l'a noté, mais. Quoi? Massage du dos? Oui. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que tu aimes les massages dans le dos, Zinedine? Non. Ah, bon. Non. Oh, pourquoi tu veux savoir ça? Bon. On passe à la suivante. Bah, oui. Hein, oui, parce que je fais pas de massage. Donc. Oui. Vas-y, Christopher. Est-ce que je crois en Dieu? Alors non, je ne crois pas en Dieu. Okay. Voilà. C'est posé. Pourquoi tu réagis? Rien. Bah, je sais pas. Je t'entends réagir, alors... T'as un commentaire à faire? Non. C'est toi, ça. Camille, vas-y. Où tu habites? Ah, vous êtes curieux, hein? Non, encore, c'est derrière. Hein. Non, mais... alors, j'habite dans un tout petit village qui s'appelle Les Poulières. Les Poulières. T'habites où, toi? La Bresse. C'est rigolo. Voilà. Donc, c'est à une demi-heure d'ici. Voilà. C'est rigolo, les Poulières. C'est rigolo? Poulières. Ah, bon. Oui, c'est un nom rigolo. Oui. Poulières. Ouais, ouais. Ça fait campagne. Exactement. Bon, allez. Vas-y, Nicolas. As-tu déjà porté plainte? Après le PV, les plaintes. Il y a une suite. Oui, bah oui, oui. Ah. Donc non, je n'ai jamais porté plainte. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, porter plainte, Nicolas? Les gars, comment j'apporte plainte? Ça veut dire quoi? Porter plainte contre une personne qui a fait mal. Contre It, c'est aussi. Ah, qui a fait mal, oui, c'est bien. Et on va porter plainte où? À la police. À la gendarmerie, oui. À la police. D'accord. Bon, bah, tu sais ça. C'est bien, tu as su l'expliquer. Mmh. Oui, c'est bien. Vas-y. Est-ce que j'ai déjà joué au loto? Alors le jeu, comment? Où tu vas acheter le billet au bureau de tabac ou... Bureau de tabac. Où t'as les petits cartons et puis tu poses... Bureau de tabac. Ah. Alors non, pas au bureau de tabac, non. Mince. Mais j'ai déjà été, tu sais, là où t'as des cartons, puis quand t'as une ligne, tu cries, je sais plus... Bingo. Kin. Bingo. Bingo, ouais. Non, je joue pas au loto, non. Tu l'as déjà fait, Christopher? Non, trop jeune, hein. C'est une fois, mon père, il l'avait acheté une fois. J'ai gagné 5 euros. C'est pas mal. T'aimerais bien jouer au loto, toi? Je sais pas. Ouais. Bon. Zinedine. Là. Mais il y a ma petite soeur. Non, tu prends l'autre micro. Oui. Vas-y, pose ta question. Je vois tout. Est-ce que je répare quoi? Ma voiture. Ma voiture. Oui. Bah ça dépend quoi. Voilà. Tu veux savoir? Oui. Est-ce que je répare? Oui. Bah par où je vais faire ma vidange. Tu vois? Ouais. C'est quoi faire une vidange? Non. Tu sais c'est quoi? Tu vides tout le moteur, ça? Oh ça. Non, pas tout le moteur, non. La moitié. Tu changes l'huile. Ah oui. Voilà. Après, voilà, tout, pour tout le reste, je l'emmène chez le garagiste. C'est quand même mieux. Tu cherches un mécano, Zinedine? Tu as une voiture à faire réparer? Non, si non. Mais les moi, si. Tu cherches quelqu'un, toi? Oui. Oh, bah. Mais les machines que vous utilisez dans le cadre de votre travail, vous les réparez aussi? Ça vous arrive? Non. Non. On fait les toutes petites réparations. Oui. Mais c'est vraiment... c'est pas le but, quoi. Hein. Oui. Voilà, si vraiment, au bout de temps de tâches que les jeunes ont constaté, voilà, la machine ne marche pas, on l'emmène dans des magasins de motoculture, quoi. Ouais. Ah oui, oui, voilà. Non, non. Parce que c'est pas le but premier de savoir réparer des machines. Donc, Camille, il faut qu'elle marche. Bah oui. Il faut qu'elle fonctionne. Il faut qu'elle fonctionne, oui. Ah, as-tu un animal? Oui, j'ai un chat. Un chat. Moi, j'en ai deux. Et vous voulez savoir comment il s'appelle? Oui. Il s'appelle Giscard. Giscard. Giscard Poulière. Giscard ou Poulière, oui. Voilà. Et bah, il n'est pas souvent à la maison et il aime bien chasser les souris. Les mulots. Donc c'est bien. C'est bien un bon chat de jardin. Ouais. À manger? Oui, bah ils chassent pour manger, ouais. C'est oui, pas oui. Bon. Les souris? Oui. Ah bah si, les chats ils aiment bien les souris. Ah, oui, hein. Après ils mangent. Oui. Oui, Camille. Une autre. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un grand frère, voilà, qui s'appelle Benoît. Bouillon. Comme à l'IME. De bouillon. Voilà. De bouillon. Et il habite à Nancy. De bouillon. Deux Benoît. Il y a plein des Benoît sur terre, tu sais. Hein? Est-ce que je crois aux ovnis? Alors, c'est quoi un ovni? Un truc non identifié. Un truc non identifié? Oui, oui. Alors, on les voit où les ovnis? Dans le ciel. Bah, écoute, j'en ai jamais vu, moi. Donc, je peux pas te dire si j'y crois. Tu y crois, toi? Non. Même pas dans le ciel des poulières? Non, non. Pourtant, le ciel est bien dégagé aux poulières. Ben, hein. Oui. Ouais. Non, on voit des étoiles filantes, des avions, des satellites qui passent, tout ça. Bah oui, des satellites. Tu peux pas les voir sur l'espace. Bah si, tu peux les voir. Pas de soucoupe? Non, pas de soucoupe. Encore pas. Ah oui. Non. Mais j'ouvrirai l'œil. Ah bah oui. Elle est bon. Une soucoupe volante. Si tu regardes le ciel en été et que tu vois un point blanc qui passe vite, sans clignoter, eh ben c'est un satellite. Ah. Bah oui. Ça intéresse tout ça, hein, tout ce qui est paranormal, tout ça, hein, les ovnis, les martiens. Christopher, il est branché là-dessus. Hein, il regarde beaucoup d'émissions. La zone 51. Allez, on passe. Oui, on passe. D'accord. Allez, on passe. Bon. À qui? Ah, c'est pas bon. Bah, vas-y, Nicolas. As-tu une console? Eh non, je n'ai pas de console. Je joue pas la console. Je joue. Toi? Pourquoi? Parce que j'aime pas les consoles. Ouais, bien moi. T'aimes bien toi? Oui. T'en as une toi chez toi? Oui. Internet? Non, tablette. Une tablette? Oui. Une tablette. Une pièce de dedans. Tu aimes bien? Ah oui. Camille, vas-y. Quelle est ta date de naissance? Alors, je suis né le 10 février 1983. Oh! Eh ben. Oui, dis donc. Oui, il fait ça. 53. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait vieux, 53. Oui. 83. 83. Ouais. Oh, ça fait vieux, dis donc. Oui. Je te remercie. Ils sont cachés. Pardon. Des fois, oui, bon. Et toi, t'es né en quelle année, toi? 2005. 2005. Tu sais, toi? Creuson. Toi? Creuson. Le présent 2005. Ouais. Et toi? 4. 2007. 2007. Et toi, Camille, tu sais? T'es né en quelle année? 2005. Voilà. 3-2005. On a combien d'années d'écart? Bah, je suis né avant toi. 83-2005. Je suis né avant lui. Si vous aviez écouté au début de l'émission, ce serait vite fait de le dire. Hein. Vous n'auriez même pas besoin de compter. Moi, il est allé. 12 ans. C'est pas bien. Un petit peu plus. 13 ans. Non, c'est pas 30 bien. 30 ans. 4 ans. Toi, t'as 15 ans. Non, 14. 14. Moi, j'ai 36. Donc, on a combien d'écart? 2 ans. 10 ans. 22. Ouais. Oh. Mais bravo, Camille. Ah, ça. Ouais, ouais, ça marche bien. Ça calcule hein, bien. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, c'est formidable. C'est bien. T'es doué, hein? Ouais, tu peux rougir parce que. Très bien, Camille. Bien. Allez, Zinedine. Allez, dis-le. Détenez-moi. Est-ce que j'ai fait le tour du monde? Oui. Et non. Et non. Ah non. Ouais, non. Alors pourquoi tu as demandé ça, Zinedine? Rien. Pour rien. Oh, peut-être que si, on peut savoir. Il va bientôt faire un début de tour du monde. Non. Ah, Zinedine. Ah ben si. Il a la pêche aux infos. Tu vas aller où? Viens, dis-le à côté de moi. Tu vas faire le tour du monde, toi? Non. Non? Non, c'est très long. C'est non, ça. C'est quoi? C'est nul. Non, c'est pas nul. Si. C'est super. Non. Si. Déjà, mais ça va. Oui, t'as raison. Allez, on se déconcentre là. On est avec Albin. Hein. T'as raison. Allez, allez. Musique. Musique, s'il te plaît. Ah, ok. Ah, oui. C'est là. Est-ce que je suis collectionneur? Oui. Non, je collectionne rien. Oh, ouais. Bah. Tu collectionnes des choses, toi? Non. Non. Il y en a qui collectionnent des choses, ici? Non. Bon. Ensuite, Camille, vas-y. Quel est ton plat préféré? Quel est mon plat préféré? Ah, ouais. Oh, j'en ai plusieurs, des plats préférés. Ah oui, dis. Bon, déjà, j'aime bien les pâtes. Voilà. Oui. Ah bah, je... Gabriel aussi. Tu es d'accord, Gabriel? Oui. Non. Après, j'aime bien. C'est le. J'aime bien le poulet au vin jaune. Oh, c'est bon ça. Ouais, avec de la crème. Oh là là. Puis des champignons. Alors le mieux, c'est des moris, mais ça coûte cher. C'est là. C'est bon. Ouais, c'est très très bon. Moris, c'est en option là. Ouais. Ouais. Allez. Avec des pâtes, c'est très très bon. Oh ouais. Voilà. C'est le. Et ça donne faim, c'est vrai, Gabriel. C'est pas là encore. Voilà. Que Non. Musique. Attends, on va aller un peu plus loin. Christophe, il veut parler. Mais je voudrais poser une question là-dessus. Vous faites la cuisine? Oui. Oui. À la maison, c'est moi qui fais la cuisine. Moi. Voilà. C'est vrai? Oui. Oui. La plupart du temps. Voilà. Et vous faites vos pâtes vous-même? Alors j'ai un appareil pour faire les pâtes, oui. Mais c'est un petit peu long, ouais. Ah, oui. Donc du coup, je fais pas c'est les pâtes. Long, ouais. Ouais. Mais j'aime bien faire à manger, ouais. Et vos pâtes préférées, c'est lesquelles? Les formes de pâtes? Non. Ou le plat? Oui. Ah, j'aime bien les spaghettis à la carbonara. Ah ouais. Mais les vrais spaghettis à la carbonara, hein, où on met pas de crème, où oui. Il faut prendre l'eau de cuisson des pâtes, on prend pas de lardon, on prend de la copa. Ah oui. Faut mélanger avec du parmesan, tout ça. Oh, ça doit être quelque chose. C'est très très bon. Voilà. L'estomac se creuse. Hein. Si, j'aime bien aussi le pesto. Attends. Oui. Les pâtes au pesto aussi, c'est bon. Ouais. Basilic. Voilà. Vas-y, Nicolas. As-tu une piscine? Non, j'ai pas de piscine. Non. T'en as une, Nicolas? Oui. Oui. Oui. T'as une piscine? Ouais. Chez toi? Elle est bonne, l'eau? Ouais. Non, pas moi. Et tous les matins, tu y vas? Non, elle est froide. Ah bon? On n'y va pas, là, c'est l'hiver. C'est une piscine dans le sol ou une piscine extérieure? Piscine extérieure. Pas moi, non. Et pas piscine, moi. T'as pas de piscine? Donc il y en a pas, là-bas. Non, pas de piscine. Pour toi, pas piscine. Pourquoi pas de piscine? Ouais. Bah parce que ça coûte cher déjà à faire construire. Et puis on utilise beaucoup d'eau, voilà, pour faire une piscine, donc ça m'intéresse pas trop. Tu sais, moi je préfère aller me baigner dans le lac, tu vois. Oh ouais. Lac de Corbeau. On a des beaux lacs à côté de chez nous. Ouais, c'est beau. C'est un beau lac. Où ça? À la Bresse, lac de Corbeau. Ouais. Armirmou. Voilà, elle est un peu fraîche, non? Ah oui. L'eau, lac de Corbeau. Armirmou. Faut aller. Hein. Moi, j'aime bien aller au lac de Xonru, Longemer. Vous voyez, c'est où? Non. Non. Non. Non. Si, il est très bien. Ouais. Oui. Je trouve que c'est le mieux. Oui. Pour les enfants aussi, ouais. C'est bien. Un nasé. L'eau, elle est claire, elle est propre. C'est chaud. Oh, moi, c'est pas impossible. Oui. Ma question. Ah. Moi. Est-ce que je vais à la chasse? Ah. Non. Est-ce que qui va à la chasse? Perd sa place. Donc. Mizit. Je vais pas à la chasse. Mizit. Non, je vais pas à la chasse. Non. Qu'est-ce que vous en pensez de la chasse? C'est cool. Pas bien. De quoi? Pas bien. Pourquoi c'est pas bien? On doit tuer les animaux. Les animaux. Mais est-ce que les chasseurs, ils tuent tous les animaux? Non. Alors, ils tuent lesquels, alors? Les renards. Les biches. Les sangliers. Les lynx. Sangliers, oui. Tu crois qu'ils tuent les lynx, les chasseurs? Non. Les sangliers. Une espèce protégée, ça. Est-ce qu'ils ont le droit de tuer toutes les biches ou tous les sangliers? Non, deux. Cinq. Bah après, c'est régulé, ça tout fonctionne, ça. Hein. Oui. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Pardon. T'aimes bien la chasse, toi? Non. Y a des gens qui chassent chez toi? Non. Non. Moi. Quoi? Alors, tu sais plein de choses sur la chasse. Ouais. Bah oui. Vas-y, Christopher. Est-ce que je connais Europa Park? Non, j'ai jamais été à Europa Park. Non. Tu as déjà été, toi? Oui. Ouais. Elle te collait. Ouais. Toi aussi, Camille? Ouais. Ouais, c'est tout ça. Avec le collège? Oui. Ah, mais oui. Sorti l'année. Il y a deux ans. Il y a deux ans. Oh, avec Justine. Oui. Ouais. On a fait les bateaux qui mouillent. Les collégiens, ouais. Vous avez fait la grosse boule là, on voit rien du tout là? Grosse boule? Non. Hein? Ça existe encore ça? Oui. Non. Si. Non. Tu l'as fait toi? Non. Ouais, mais ça existe encore? Oui. Ouais. Non, nous on a fait des bateaux pirates. Là, certains ils ont fait le bleu, un grand truc bleu. Les journées passent là. Ouais. Moi ça fait pas trop loin d'ici. Non. Non, une heure et demie. Ouais. Mais non, j'ai jamais. Allez, visite. Attends, j'ai une dernière question. Veux-tu changer de travail? Est-ce que je veux changer de travail? Ah oui. Pas tout de suite. Ah oui, puisque. Je pense que je changerai de travail, mais. J'ai encore travaillé un petit peu à l'IME. Vas-y, Camille. Es-tu déjà allé en vacances? Oui. J'ai déjà été en vacances. Tu veux savoir où? Oui. Ouais. Si ça peut t'intéresser. Tu veux savoir où j'étais, par exemple, pendant les grandes vacances dernières? Alors, j'étais dans le Jura. C'est la montagne, pas très loin d'ici. Puis j'étais en Italie. Oh. Oh. Voilà. J'ai déjà été au bord de la mer aussi, dans la montagne, dans les Alpes, voilà. Tu voulais dire quelque chose, Gabriel? Non. Bon, vas-y, Camille. Oh. As-tu encore tes parents? Oui. J'ai encore mon papa et ma maman. Vas-y. L'impression. Es-tu déjà allé à un concert? Oui. Oh. Oh. À Paris. Est-ce que j'ai déjà été à Paris voir un concert? Non. Non, non, non. Plus à Épinal, à Nancy. Voir Kenzi. Dans des festivals. Voir qui? Kenzi. Non. Non, non. C'est qui Kenzi? C'est qui Kenji? Bah, explique. C'est un gitan, Kenji. La guitariste. D'accord. Non, ah. Non. Ah, c'est joli ce qu'il fait. J'ai pas été voir Kenji. Non. Parce qu'Alba, elle a une guitare, alors ça y est, il aime Kenji, c'est ça. Ah. Il est venu dans les Vosges? Kenji? Oui. Ah, je sais pas. Non. Je sais pas s'il a déjà fait des concerts. Non, Mizdi. Non. Vous êtes déjà allé à des concerts? Non. Jamais. Non. Il y en a dans le coin. Ça serait bien ça. Des festivals. Vas-y. Les amener à un concert, ce serait pas mal, non? Bah, il y en a qui sont allés quelques années. Oui. Non, moi. Vous avez été voir. Stromae. Ah oui? Aux Eurockéennes de Belfort. En plus. Ouais. Bah, dis donc. Musique. Alors ensuite. Parce c'est notre époque, encore. Ça. Oui. Ouais. Alors. C'est où es-tu né? Ah. Alors je suis né à Épinal. Oh, oh, comme moi. Arrête. Comme moi. Bah, tu vois. Alors moi où je suis né, tu vois, c'est une clinique qui s'appelait la Roseraie. Et c'est maintenant où il y a le siège de l'ADAPI. Alors je sais pas si vous avez déjà été au siège à l'ADAPI. Non. Non. Ben voilà. Mais dites, c'était écrit. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais. La Roseraie. Oui, Camille, vas-y. Quel est ton film préféré? Quel est mon film préféré? Ouais. Alors, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. C'est un film américain, ça? Italien. Ah. Ouais. Vous connaissez ou pas? Non. Alors, c'est des vieux westerns. Je connais pas. Et on appelait ça des western spaghetti. Ouais. Parce que le réalisateur, c'était un Italien. Donc, il s'appelait Sergio Leone. Et il tournait pas les westerns aux États-Unis, mais en Espagne ou des fois en Italie. Puis c'était des acteurs, tu avais des acteurs américains, mais des acteurs italiens aussi. Et on appelait ça donc le western spaghetti. Et c'est super bien. Avec une très belle musique. Ouais, c'était c'est Ennio Morricone, le compositeur. Je t'invite à le regarder, c'est vraiment très bien. Ben, ce serait bien une fois d'en amener un IME. Alors c'est un petit peu long. Mais où regarder ça le matin? Vous êtes tiré dessus. Ah ouais, ouais. Mais... Ah ouais. Ils ont pas des belles têtes. Méchants. Deux, on se tire dessus, après on parle après. Voilà. Mais ils s'entraident. Oui. Braquer. Pour faire un projet. Un projet de. Pour regarder un film. Ou à l'IME? Oui. Vous avez un projet. Au cinéma. Pour le mardi, avant la le mardi de fin d'année, là, au cinéma. Oui, bah, y a moyen. Là. Le vendredi matin, après on peut demander ça, ça va être trop bien. Au cinéma. Vendredi. Tu le feras, Christopher? Moi? Ah, un projet. Tu demandes à qui? Au chef. Tu fais avec Nicolas? Au cinéma. Au cinéma. C'est mardi. Bah, cinéma, c'est plus la même chose, hein. Non, animé, c'est mieux, animé, il y aura tout le monde. Eh ben, vous demanderez pour qu'on fasse mais ça. Mais à qui? C'est pas bah, monsieur Ballon. Il n'est pas là, monsieur Ballon. Oh, voilà, madame Sattebrook. Ouais. Quoi? On va écrire un projet. Hein. Très bonne idée. On va écrire un projet. Voilà. Vous êtes missionné, là. Pas hein. M'hésite. Allez, Nicolas, rentrons, on va écrire un projet. Hein. Vas-y, Nicolas. Es-tu au cinéma? Vas-tu? Vas-tu au cinéma? Non, je vais. Pas au cinéma. Je ne vais plus au cinéma. Voilà. J'étais une époque et puis. Musique. Ouais. Là, j'ai plus le temps, puis je trouve que c'est cher, donc voilà. Ah oui, c'est pas donné, hein. Ouais. Oh, ça va, je prends qu'un billet. C'est combien? C'est 80 euros. 17 euros. 17 euros, bah... 18. C'est cher. Ah, 18. 150. 150 euros. Ah bah, dis donc. À la Bresse, c'est cher, le cinéma. Non, c'est jamais à la Bresse. 150. La carte cinéma, c'est un petit cinéma. 150 euros. Bah non. 1000 euros. Non, mais c'est pas la peine de monter les enchères. 1000 euros. 20 euros. 2000. Oui. 9000. Je sais pas moi, c'est combien? Oh, c'est 8. Oh. C'est cher. Parce que ça, 80 à Épinal. Combien? 8,80 euros à Épinal. Ah oui. Ah, oui. Ah bah, toi. Mais et puis, ça dépend dans quel cinéma. Tu vas aussi. Tu vas dans un grand cinéma. Très cher. Un 3D en plus. Vas-y, Camille. Écoutes-tu de la musique? Oui, j'écoute de la musique. Comme musique? Oui. Alors, moi, j'aime bien les choses, les musiques anciennes. Voilà. Oh. Alors, le blues, le rock. Oh oui. Le swing, voilà. Swing c'est du jazz. Où on danse dessus. Mais je te ferai écouter, tu verras, c'est pas ennuyant. D'ailleurs, j'aurais dû emmener du swing. Voilà, bah, j'aime bien aussi le rap. Mais c'est pas le même rap que vous écoutez. La musique électronique aussi. J'ai encore plus de questions. Alors, écoutez, non, on va arrêter avec les questions. Alba, je suis désolée, on n'aura pas le temps de te demander tout ce qui était prévu parce qu'on a envie de t'entendre chanter. Et comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, voilà, si tu pouvais. Les Titanic. Là, on est au concert. Alors, attends. Oh, on est parti en sortie. Attends, on va te sortir la photo. Alors, j'ai dédicace. Cette chanson, parce que je devais faire une dédicace aux collègues de l'IME qui sont en train d'écouter l'émission. Donc ils m'ont dit, oh, tu parleras de nous, tout ça. Donc voilà, je parle d'eux. Alors attendez, j'avais... album. Alors c'est une chanson, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un truc du vieux. C'est vieux. Vous allez voir. Alors si vous voulez chanter avec moi, il n'y a pas de problème. Oui. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Eh bien, merci Albin. Merci pour cette prestation, c'était super. Juste avant les vacances de Noël. Parce que nous ne viendrons pas la semaine prochaine. Mercredi prochain, c'est la fête de fin d'année à Liège. Oui. Hein. Voilà. Donc, on va souhaiter de bonnes vacances à tout le monde. Oui. Bonne fête de fin d'année. On va souhaiter un bon voyage à Zidine. Bon voyage, Zizou. Bon voyage, Zizou. Voilà. Et on se dit donc le 8 janvier pour une nouvelle émission des Jones. Merci encore à Albin. Merci à vous. Et sautez bien, moi. Voilà, et bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.